Partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir Marc. Bonsoir Michel et bonsoir chères auditrices et auditeurs. Ce soir Marc, on lance le bal avec une formation italienne, Il Cerchio d'Oro, qui cet été nous a présenté un nouvel album, le cinquième album studio, Pangea e le tre lune, un excellent album pour les amateurs de prog italien et pour l'amateur de prog en général. Un groupe formé dans les années 70, mais qui n'est jamais parvenu à enregistrer un album dans cette décennie. Il a fallu attendre en 2005 pour voir le premier album paraître, La Quadratura del Cerchio. Suivra en 2008 Il Viaggio di Colombo. En 2013, Dédalo et Icaro. 2017, Il Fuoco sotto la cenere. Et en 2023, Pangea e le tre lune. On va écouter la pièce À la dérive. Et après, Marc, je pense qu'on se dirige du côté d'Allemagne. Oui, c'est une formation de Munich qui a été fondée en 2007, qui a pour nom Subsignal, et on aura pour vous ce soir un nouvel extrait de leur nouvel album A Poetry of Rain, leur sixième en carrière, qui est paru le 22 septembre. On aura pour vous la pièce Melancholia One, et ce sera suivi de la formation Sphératons, une autre formation fondée dans les années 70 et qui n'a pas endisqué avant les années 2000. On aura pour vous un nouvel extrait de leur album Odi et Amo, qui est paru cet été avec la pièce Zarina. Également, à partir de 21h30, on aura un spécial de 60 minutes avec le musicien italien Andrea Orlando. Il sera avec nous pour nous présenter les pièces de son nouvel album à paraître. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec la formation Il Cerchio d'Oro. Thank you. Cielo le tre lune, divertite sulla sabbia con quel piede così lieve, così soffici e ridenti come giorni senza pene. Son diversi dalle impronte delle scarpe che indossavi, che lasciavano ricordi ben impressi nella neve. Ti ripari con l'ombrello da quel sole che tramonta e ripensi alla tua vita e ad un marito che non conta, che tradisce ogni momento il tuo cuore che ha comprato. C'è mai un lieto fine per l'amore combinato. Io ti guardo passeggiare circondata dai tuoi pari. Povero ignorante e da te così distante, e mi sembra quasi un sogno che rivivo nella mente, mentre il giorno cola a picco dietro ai muri delle case. Perduto il tuo calore, tu regina.

des enjeux mondiaux aux nouvelles méconnues mais pas moins importantes, en passant par des sujets inusités, à Carte du Monde, on analyse les questions de l'heure avec nos chroniqueurs et invités afin de comprendre ce qui se passe sur le globe. Avec Dominique Harvey et Emmanuel Deprado, les mardis 9h, en rediffusion les samedis 14h. Carte du Monde, l'actualité internationale autrement. Ici Minibulle, l'ami de Mini-Jean. Je vous invite à écouter Partout où on va, les dimanches 17h à CKRL 89.1, la super émission radio produite par le Maja Club. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Comme Marc l'a mentionné en début d'émission, ce soir, on a un spécial d'une heure sur la musique de Andrea Orlando, batteur italien, bien connu pour son rôle au sein de nombreuses formations italiennes, que l'on pense à la Coscienza di Zeno, et nous, on doit dire qu'on a eu le bonheur de le voir à l'œuvre à deux reprises dans le cadre du festival Terra Incognita, avec Finistère, et en mai dernier avec la Maschera di Cera. En 2017, Andrea Orlando a présenté un premier album solo intitulé « Dalla Vita Authentica ». Et je pense que plusieurs amateurs de prog italien vont être d'accord pour dire que cet album a été un des albums marquants de 2007 pour la scène progressive italienne. Pour les sessions d'enregistrement de ce premier essai en solo, Andrea Orlando a invité plusieurs amis, dont Alessandro Corvaglia, le grand chanteur, un des grands chanteurs prog italiens et un ami de Andrea Orlando, aussi invité aux sessions d'enregistrement Agostino Macor, claviériste de Finistère. Et parlant de Finistère, il a aussi invité Stefano Marelli, le guitariste. Autre guitariste invité, Marcella Arganise, la guitariste qu'on a pu voir à l'œuvre aux côtés de Fabio Souventi lorsque Hudson Hutton nous a visités il y a maintenant plusieurs années. Évidemment, il faut rappeler que ce spécial a pour but de souligner la parution du second disque solo de Andrea Orlando, intitulé La Cienza delle Stagioni, et le disque doit paraître la semaine prochaine. On va vous en présenter des extraits dans la seconde partie du spécial, mais pour l'instant, je vous laisse avec Andrea et on y va avec deux pièces du tout premier essai Dalla Vita Authentica. Good evening to our listeners and greetings from Italy. It's Andrea Orlando here and I want to invite you to some excerpts from a first solo album, Dalla Vita Authentica, From the Authentic Life in English, released in 2017. The first one is Cinque giorni d'autunno, Five Days in Autumn. fabbriche nella luce fragile di un cielo chiaro di periferia. Un giorno la incontrai, aveva scelto ormai che il suo posto era là, in quella terra ai margini, dove gli angeli cadono per non volare più con le ali di chi li ha stretti a sé. Quello che resta Hello guys, I'm Andrea Orlando from Italy, and you're presently listening to Terra Incognita directly from Quebec City. I'm very proud to present to you a song from my album Dalla Vita Autentica. Thank you and good listening. The next song is Dalla Vita Autentica, which is also the title track. It is a long suite, which I think is representative of the music of the album, with symphonic moments and more rhythmic parts, with the alternating use of rock and classical instruments. Thank you and good listening. Mostrami Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Vous écoutez CKRL 89.1. Tu fais vendredi soir? J'ai un tête-à-tête avec Télé-Québec. Ah. À 19h, Curieux Bégin. Curieux? Ça commence bien. À 20h, Deux hommes en or et Rosalie. Ah, oh, j'adore les rencontres. 21h, Plaza Plaisir. Oh oui, que du plaisir. 22h, Au-delà du sexe. Oui, parlons politique internationale. Et à 22h30, Pour une fois. Juste une fois? Non, c'est le titre de l'émission. Oui, bien sûr. Jouissez pleinement vos vendredis. Vivez l'expérience Télé-Québec. Tous les mercredis, dès 11h30, CKRL présente en collaboration avec l'AQDR Section Québec l'émission Aînés, on vous écoute. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées est un organisme sans but lucratif qui veille depuis 35 ans à la défense individuelle et collective des droits des personnes aînées. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Des enjeux mondiaux aux nouvelles méconnues mais pas moins importantes. En passant par des sujets inusités. À Carte du Monde, on analyse les questions de l'heure avec nos chroniqueurs et invités afin de comprendre ce qui se passe sur le globe. Avec Dominique Harvey et Emmanuel Deprado, les mardis 9h en rediffusion les samedis 14h. Carte du Monde, l'actualité internationale autrement. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. On poursuit le spécial avec Andrea Orlando. Et évidemment, le prétexte est l'apparition la semaine prochaine de son second disque solo intitulé La Scienza delle Stagioni, ce qu'on peut traduire par la science des saisons. Second album donc pour le batteur. Et Andrea ne se contente pas de jouer de la batterie sur ce disque. C'est lui qui joue beaucoup de piano, d'orgue et de mélotron. Et évidemment, avec la complicité de plusieurs de ses amis de sa ville, de la ville de Gênes, ou si vous préférez en italien, Genova ou Genoa. Et parmi ceux-ci, ben, on retrouve le réputé claviériste Luca Scherani, qui est aussi son complice au sein de la Coscienza di Zeno. Il y a Boris Valle de Finistère, Stefano Marelli à la guitare, lui aussi de Finistère, Matteo Naum de Hot Sonaton, Fabio Zuventi à la basse, mais lui, il se passe de présentation, Agostino Macor, Finistère et de la Maschera di Cera, lui aussi contribue. Bref, vous avez compris que c'est à peu près les trois quarts de la scène musicale de Genoa qui se retrouve sur ce disque. Trêve de bavardage, on va arrêter de vous faire languir et on va écouter pour la toute première fois trois pièces de ce nouvel album qui, rappelons-le, va être lancé la semaine prochaine. Welcome to the second part of the show. Next are two tracks from my new album La Scienza delle Stagioni, The Science of the Seasons, that will be released on October the 19th, 2023. The first one is Il Sogno di Anastasia Part 1, which is sung in Italian, followed by the instrumental Il Sogno di Anastasia Part 2. Good listening! lascia queste notti senza sogni dietro di te. Lascia che io prenda le tue mani nelle mie mani. L'orizzonte ora più distante, nella gabbia della tua mente fuggiremo via, dove muore la città. Senza volto, senza identità. Hello guys, I'm Andrea Orlando from Italy and you're presently listening to Terra Incognita directly from Quebec City. Thank you. Next comes La Strada del Ritorno, a long track, about 15 minutes, ending the CD, that shows different atmospheres, some more intimate, others more solemn and lively. Hope you'll enjoy it. La Strada del Ritorno. In uno specchio di ricordi chiusi dentro di me, guardo nella palude dei miei sbagli e sono in cerca di te, ma non hai smesso mai un istante di essere qui. I tuoi perciò e i miei nonostante, gli stessi perché. Lungo la strada e oltre il mio rimpianto di non poter essere pochi metri da me. ricordi ancora il nostro tempo, fratello mio, due vite nello stesso sguardo, lontano e fuggevo. Thank you. c'è ancora nebbia sopra la città e l'alba svela un'ombra effimera. So che ritroverò la luce che casa dove io tornerò. Thanks to listeners by Andrea Orlando, and of course, thanks to Michelle and Mark for hosting me. I hope you enjoy the show, and if you're interested to my projects, please go to andreaorlandomusic.com. Thank you, cheers from Italy, and good night. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. La Ligue d'improvisation de Québec, c'est LA sortie culturelle abordable à ne pas manquer. Tous les mardis 20h au Palais Montcalm, venez voir naître sous vos yeux des histoires loufoques, touchantes ou hilarantes. Chaque représentation est unique, mais les rires sont garantis à tous les mardis. Pour un spectacle d'improvisation théâtrale de haut calibre et de qualité professionnelle à Québec, essayez la Ligue. Visitez le improlique.com pour vous procurer des billets ou pour plus d'informations. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. On remercie encore une fois Andrea Orlando pour sa participation à cette émission spéciale. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura une formation des États-Unis qui a pour nom Resistor. En fait, c'est fondé par Steve Unruh, qu'on connaît bien pour sa participation avec The Samurai of Prague. On aura ici un extrait de leur quatrième album qui a pour titre To the Stars. La formation a 7 albums, dont le plus récent, Illuminator, paru le 18 août de cette année. Donc, on aura la pièce-titre de cet album paru en 2014, To the Stars. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, on est dans la continuité avec une excellente formation italienne. Oui, effectivement. On parle de la Coscienza di Zeno, un groupe formé à la fin des années 2000 et qui compte dans ses rangs, évidemment, Andrea Orlando. On va écouter un extrait du quatrième disque studio du groupe, Una Vita Migliore, paru en 2018. Et ça me fait penser qu'on est peut-être dû pour un nouveau La Coscienza di Zeno. Je sais que c'est en chantier, mais je pourrais pas dire en ce moment où est-ce que le groupe en est rendu, mais enfin, je pense qu'on peut s'avancer pour une parution en 2024. On va écouter la pièce-titre de cet album, Una Vita Migliore. Il vestito più nero del nero. We'll be right back.

mysteries to lift our eyes. Enchanted we arise up and wander out of the great who we are. Arise up, sensing ancient secrets from afar. We'll be right back.